Le petit lapin de Playboy ronge mon crâne végétal. Shineboy. Qui me roulait entre ses doigts comme du caporal, me suçait comme un cachou, et savait le dialecte chou. Poupidou. Tu sais, un loup. Dans cette blanche clinique neuropsychiatrique, à force de patience et d'inaction, j'ai pu dresser un hanneton. Sur ma tête héliport, l'hélicoléoptère de ses élytres d'or refermant l'habitacle, incline ses antennes, porteuses d'SOS. Mais merde, les phalènes, frémissantes de stress, interceptent en vol mes signaux de détresse. Manque de bol. Les parasites de Radio Pou ont brouillé mes messages. Fou que j'étais de toi, Marie-Lou.